Bon matin tout le monde. C'est plutôt agréable encore une fois de se retrouver avec vous. Il y a des visages qui me sont un peu moins familiers, peut-être des visiteurs ici. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Patrick Auger. Je suis un des pasteurs à l'église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Et effectivement, c'est du copier-coller avec ce que vous vivez ce midi. Je m'en vais à mon église tantôt pour une épluchette de blé d'Inde, hot dog. Le même principe. La seule chose que je trouve le fun pour vous, c'est que vous êtes deux églises réunies. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment merveilleux, d'aller passer du temps avec d'autres frères et sœurs, d'une église sœur, prendre le temps d'apprendre à se connaître, de prier les uns pour les autres, puis de fraterniser. Donc j'espère que vous aurez du bon temps. Dieu a tout mis en place pour que ça se passe bien. Il fait beau, vous allez avoir du temps. Donc profitez de ce beau moment-là. Tranquillement, pas vite, le PowerPoint s'en vient. Le titre du message ce matin... Parce que Jésus m'aime et Jésus l'aime, je l'aimerai aussi. Donc, prenez le temps de juste méditer là-dessus. Parce que Jésus m'aime et Jésus l'aime, je l'aimerai aussi. Et notre passage ce matin, c'est un tout petit verset dans la lettre que Paul a écrite aux Galates. Donc, Galates chapitre 6, verset 2, on va tourner tantôt. On va s'assurer de mettre tout ça dans son contexte aussi. Mais tout d'abord... Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez un petit peu l'image en bas, à part le cœur, les petites lignes, ça vous fait penser à quoi? Le Wi-Fi. Hein? Puis quand on est dans une zone, un chalet ou un endroit que le Wi-Fi n'est pas très bon, ça ressemble à la partie de gauche. Puis on arrive pour essayer de télécharger des documents ou juste lire notre journal, puis ça ne va pas super bien. Par contre, quand on est complètement à droite, et monsieur, hein, là on est en voiture, puis on est capable d'aller télécharger nos choses. Eh bien, ce matin, on va s'introspecter avec ce principe-là. Quel est votre degré d'amour? Okay? Si je considère que la partie de gauche, il n'y a pas beaucoup d'amour, et la partie de droite, il y a beaucoup d'amour. Quel est votre degré d'amour envers la personne lorsque celle-ci a abandonné l'Église depuis plusieurs années et qu'elle revient? Pas besoin de répondre. Quand on est plus intime, comme ici présentement, ça peut être tentant de dire « Ah, moi, pas capable, ce monde-là. » C'est pas comme ça qu'il faut voir ça. On s'introspecte chacun. Et certainement que j'ai fait la même chose cette semaine. Donc, première question, une personne qui a abandonné l'Église et qui revient après des années. Quel est notre degré d'amour envers elle? Quel est notre degré d'amour envers un chrétien ou une chrétienne qui met des choses sur Facebook, des fois des vidéos, des fois des témoignages, qu'on considère un peu nébuleux? Parfois même dangereux, parfois même péché. C'est quoi notre degré d'amour envers ce chrétien ou cette chrétienne? Quel est notre degré d'amour lorsque vous apprenez qu'un membre de l'Église a parlé dans votre dos? Quel est votre degré d'amour lorsque les élections commencent? C'est ce qui nous arrive dès ce matin, la campagne électorale qui commence. Il va y avoir des sujets associés à nos... À ce qu'on aime, on a chacun, on va appeler ça un parti pris, hein, on a des éléments qu'on considère qui sont mieux que d'autres. C'est quoi votre degré d'amour lorsque vous parlez avec un frère ou une sœur de l'Église et qui pense complètement différent de vous au niveau politique? Écoutez, plusieurs églises, dont la nôtre, à Shawinigan, on a déjà mis des gens sous discipline. Hein, c'est un terme, ça, que les chrétiens connaissent ici, tu sais, quand il se passe quelque chose, qu'on veut reprendre la personne, on veut la redresser. Des fois, on a déjà mis des gens sous discipline à cause de la gravité du péché, alors qu'on aurait dû le faire dans un contexte de non-repentance. Il y a des gros péchés que la personne, elle est repentante, qu'on aurait dû agir autrement au lieu, malheureusement, de se fier sur la gravité du péché et finalement d'envoyer ces gens-là à l'extérieur. Et quand ils reviennent, pourtant ils sont repentants, quel est notre degré d'amour? Le texte de ce matin nous rappelle que parfois, on manque d'amour, les uns envers les autres. Des fois, on ne comprend pas bien qu'est-ce que ça veut dire, avoir de l'amour les uns pour les autres. Mais ce matin, on va apprendre que le vrai amour nous amène à travailler avec la personne dans le but de la restaurer. Jésus-Christ m'a aimé malgré mes péchés, et comme ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, bien moi aussi, je dois aimer ces gens-là qui ont peut-être chuté, qui ont peut-être eu un obstacle dans leur vie, qui vivent avec des énormes fardeaux. Donc, vous allez reconnaître le verset, c'est un verset qu'on apprend pratiquement par cœur, soit à l'école du dimanche, soit dans des camps chrétiens. On va y aller tantôt, mais tout d'abord, prions, puis ensuite, je vous explique là, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça ce matin. Père Céleste, je veux te remercier pour l'Église ici à Victoriaville. Je veux te remercier pour ces frères et ces sœurs que j'ai l'occasion encore de côtoyer aujourd'hui. Toute ma famille est ici, puis on apprécie être avec eux. Je te demande de les bénir profondément. Je te prie que tu puisses toucher ce matin le cœur de ceux qui nous visitent, de ceux qui n'ont peut-être pas fait encore le pas de foi envers toi, de ceux qui ne t'ont peut-être pas encore demandé de changer leur vie. Et je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus, sauve ces gens. Touche-les par ton esprit. Et pour tous ceux ici qui sont chrétiens et chrétiennes, mon frère tantôt a prié dans le même sens, mais Seigneur, que tu puisses faire une œuvre miraculeuse dans nos vies. Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, comme il a dit, mais au contraire, que tout ce temps que j'ai passé cette semaine à étudier ta parole puisse, en bout de ligne, servir à ce qu'on apprenne encore plus sur toi. Merci de m'utiliser comme serviteur et que ton esprit parle à travers ma bouche, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc, voici le plan pour ce matin. Tout d'abord, vous savez, quand on prend un seul verset, je vous ai déjà expliqué ça ici, hein, il y a l'erreur de juste tourner dans la Bible, mettre le doigt sur un verset, et là, on sort complètement du contexte. Donc, ça va être un peu plus long, cette partie-là, mais ça vaut vraiment la peine pour bien comprendre notre verset de ce matin. Alors, on aura le contexte de la lettre que Paul a écrite aux Galates. Par la suite, on va lire le passage biblique, on va aller un peu plus loin, les versets 1 à 5 dans le chapitre 6. Et ensuite, on décortique le verset. Donc, une partie qu'on va parler de porter les fardeaux, l'autre partie, les uns des autres, et l'autre partie, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Puis, on va terminer avec une conclusion et des applications. Commençons tout d'abord par le contexte. Donc, on est dans la lettre que Paul a écrite aux Galates. Faites-vous en pas, on va arriver par lire le passage, mais on va atterrir tranquillement, je vais le dire comme ça. Alors, Paul a écrite à plusieurs églises de la région de la Galatie. Donc, vous pouvez voir, votre PowerPoint va tellement bien que c'est plus clair que sur mon ordinateur chez nous. Mais vous voyez à droite, bien, si vous reconnaissez la botte de l'Italie à gauche, là, pour que vous puissiez bien saisir, eh bien, tassez-vous à droite, on est dans la Galatie de l'époque, on est proche, Syrie, Turquie, dans ce coin-là. Et puis, Paul est allé en Galatie, il a visité plusieurs églises à cet endroit-là, et ce voyage missionnaire-là, le premier voyage que Paul a fait d'ailleurs, c'est dans les églises là-bas, l'église d'Antioche de Pisidie, d'Icône et de Lystre. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé pour Paul et Barnabas et son équipe, allez lire les versets, le livre des Actes, chapitres 13 et 14, on a tout ce qui s'est passé là-dedans. Pour vous faire un petit résumé, Paul et Barnabas s'en vont visiter tout d'abord Antioche, comme en haut, là, juste avant Galatie. Ils rentrent dans la synagogue parce que Paul est un ancien chef très connu au niveau juif et le Seigneur Jésus lui a parlé. Et lorsqu'il rentre dans cette synagogue-là, qui est une espèce d'église de juifs, les gens le reconnaissent et ils font « Paul, viens nous encourager. As-tu un petit mot d'encouragement pour nous? » C'est exactement comme ça que le livre des Actes le mentionne. Et là, Paul, il fait « Oh, j'ai ma porte ouverte pour annoncer l'Évangile. » Donc, il commence. Il dit « Vous savez, frères et sœurs, on a le même Dieu, ce Dieu qui a mis des juges sur place, qui a mis des rois sur place, qui a mis David sur place. Et il nous a promis que de la lignée de David arrivera le Messie, le Sauveur du monde. Eh bien, je vous annonce ce matin que le Sauveur, c'est Jésus-Christ. » Et, boy, boy, à ce moment-là, les gens dans l'église, dans la synagogue, font comme, « Oh, moi, je m'attendais à un encouragement de Paul, mais là, il est en train de détraquer ce Paul-là, ça ne marche pas pantoute. » Et Paul y continue, il dit, « Parce que vous n'avez pas voulu recevoir ce Sauveur, parce que vous vous êtes fermés, bien, on va aller l'annoncer aux autres. » Hey, là, c'est la folie. Fait, dans cette synagogue-là, il y avait des non-juifs qui ont fait « Wow, ce message-là s'adresse à moi aussi. » Et il y a des gens qui sont sauvés à ce moment-là. Par contre, il y a des juifs qui ont fait « Ça, ça ne marche pas. » Ils ont commencé par en dessous à essayer de se dire « Là, on va faire de quoi? On va lapider Paul. » Mais là, ça se parlait, fait que Paul, il s'en va, puis il s'en va à Icône. Il arrive à Icône, même chose, rentre dans une synagogue, partage le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ aux gens, et puis ça, ça ne marche pas non plus. On a des gens qui se mettent ensemble pour essayer de le lapider, hein, de lui lancer des roches jusqu'à temps qu'il meure, mais il s'enfuit. Il s'en va à Lystre. Mais comme vous pouvez voir, là, même si c'est à pied, tout ça, là, c'est pas si loin que ça. Ça se fait assez bien en l'espace de probablement quelques jours, mais assez pour pas vraiment s'enfuir. Il y a des gens qui vont y courir après, et comme de fait, les gens d'Antioche et d'Icône arrivent à Lystre. Et là, c'est pas juste un beau plan de tuer Paul. Ils veulent le faire. Et ils le lapident en direct, tellement qu'ils le traînent hors de la ville, le considérant comme mort. Puis finalement, il n'est pas mort, heureusement. Mais quand même, c'est ce qui s'est passé en Galatie. C'est terrible. Et dans ce qu'on voit dans le livre des Actes, par contre, c'est que malgré cette souffrance-là que Paul a vécue, eh bien, il y a des gens qui ont été sauvés, littéralement sauvés par le Saint-Esprit. Donc, il s'est passé quand même de très belles choses. À cette époque-là, il y avait des chrétiens d'origine juive et des chrétiens non-juifs qui étaient dans la même église. C'était une transition, hein? On passe des juifs à devenir chrétiens. C'était vu un peu comme une secte à l'époque. Donc, ce n'est pas évident. Ils se retrouvent dans la même église et certains chrétiens juifs mentionnaient que si tu crois en Jésus, c'est bien, mais tu vas devoir quand même, en tant qu'homme, te faire circoncire. Ça, c'était une loi qu'ils avaient à l'époque. Vous connaissez peut-être un livre que le titre était tellement révélateur, hein? Jésus plus rien égale tout. Rappelez-vous d'avoir vu ça dans les dernières années? Eh bien, les chrétiens juifs de cette époque disaient plutôt Jésus plus la circoncision, plus fais attention à quelle viande que tu manges, plus respecte toujours les lois, égale tout. Puis pourtant, ce n'est pas le message que Paul annonçait aux gens. Ce n'est pas le message que les apôtres annonçaient aux gens. Et donc, ça crée une division à l'intérieur de l'Église, ça crée des problèmes. Et ça vient aux oreilles de Paul qui décide d'écrire la lettre aux Galates. Donc, je vous invite à tourner, si ce n'est pas déjà fait, dans la lettre que Paul a écrite aux Galates. Et oui, on va aller au chapitre 6, mais juste avant, je vous amène tranquillement vers le chapitre 6 pour bien comprendre où on s'en va. Moi, je suis un gars, hein, pendant que je parle, puis là, je tourne ma Bible, on dirait que je ne suis pas capable de faire ça en même temps. J'y arrive. Ouais, c'est ça. Je suis entouré de filles et de femmes chez nous, là, donc eux autres sont capables de faire ça, mais pas moi. Alors, regardez Galates, chapitre 1, versets 6 et 7, juste pour bien comprendre dans quel contexte on est. Vous savez, Paul, il a écrit des lettres qu'on considère vraiment des lettres d'amour pour des frères et sœurs. La lettre aux Galates, c'est aussi une lettre d'amour, mais il utilise d'autres termes. Regardez le chapitre 1, versets 6 et 7. Paul qui dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. » Paul est en train de dire, on est supposé aller à Jésus-Christ les mains vides. On est supposé arriver, puis on ne fait rien de particulier pour recevoir le Seigneur Jésus dans nos vies. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là. Arrivez les mains vides. Essayez pas de suivre des lois pour gagner votre ciel. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis, on arrive au chapitre 5, verset 2, si vous voulez tourner, on approche vers notre texte de ce matin. Chapitre 5, verset 2, Paul qui dit, « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. » Donc, tu ne peux pas juste dire, il faut Jésus plus la circoncision. Non, non, non. C'est, il faut Jésus plus toute la loi. Ça, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre discours. Paul est en train de dire, Faites-en des bonnes œuvres, mais pas pour gagner votre ciel. Tout le monde est appelé à faire des bonnes œuvres, mais par amour pour Jésus. Ce n'est pas ça qui nous sauve, ce n'est pas ça qui nous amène au ciel. Puis c'est insultant pour Dieu de faire ça pour gagner votre ciel, parce que Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, mourir à la croix pour nous. Puis on est en train de dire à Dieu, c'est pas ça. Et pourtant, la Bible est claire. Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il a payé pour nous une fois pour toutes. On n'a pas à faire quelque chose de plus. On a à croire, on a à se repentir de nos péchés et suivre le Seigneur Jésus. Point. Puis par amour pour Jésus, on va faire des bonnes œuvres. Mais ça, c'est après, c'est le résultat. Il y a deux versets clés dans, il y en a plusieurs autres, là, mais dans la lettre que Paul a écrite aux Galates. Le premier, Galates 2,16, hein, qui nous dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Les Juifs de l'époque croyaient qu'il fallait faire des choses pour aller au ciel, aller à l'endroit le plus merveilleux du monde. L'endroit où est-ce qu'on va passer notre vie éternelle avec Dieu. Mais non, on n'a rien à faire à part demander pardon pour nos péchés et faire confiance que Jésus a payé pour ça. Et l'autre verset que j'ai dit tantôt, Galates 2,20, hein, « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Un de mes versets préférés que je tente de me rappeler tous les jours, on est chrétien. On n'est plus comme on était avant, là. On a une nouvelle vie et c'est Christ qui vit en nous. Donc, chaque action, chaque pensée que nous allons avoir doit être en faisant référence qu'on a le Saint-Esprit en dedans de nous. Et donc, vous êtes comme moi, j'en suis convaincu, mais on n'agit pas toujours comme il faudrait. Christ a payé pour ça. On se repent, on confesse, mais on ne reste pas dans la honte et la culpabilité. On fait confiance que le Seigneur, on est son enfant, il a payé pour nous et on va de l'avant par la suite. Lisons maintenant notre texte de ce matin. Alors, juste avant, dans Galates 5, vous avez certainement entendu parler, Paul qui parle des œuvres de la chair, hein, des choses négatives comme l'idolâtrie, les rivalités, les querelles, les jalousies. Il en nomme plusieurs. Et par la suite, il dit, mais le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Toutes des choses que la loi n'est pas contre ça et que nous devons vivre au quotidien en tant que chrétiens. Et on arrive dans notre texte de ce matin. On va lire le chapitre 6, les versets 1 à 5, mais nous, on va se concentrer beaucoup sur le verset 1 et 2. Vous allez voir, ils viennent beaucoup ensemble. Alors, chapitre 6, verset 1. « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera sa propre charge. » Le verset qui nous intéresse ce matin, c'est le verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » On va le décortiquer ensemble, mais je pense qu'à la fin de la matinée, vous allez faire « je comprends beaucoup mieux qu'est-ce que ça veut dire tout ça ». Mais tout d'abord, verset 1, il y a un péché qui vient d'être mis en lumière. Le verset 1 nous dit, si quelqu'un est surpris, vient à être surpris en faute, que son péché a été mis en lumière. Cette personne-là, c'est peut-être un homme qui s'est fait prendre à passer du temps avec une autre femme que la sienne. C'est peut-être quelqu'un qui a menti à l'aide sociale, puis ça a été détecté. C'est peut-être quelqu'un que son travail au noir a été découvert. C'est peut-être quelqu'un qui avait démarré une rumeur. Et là, ça a été trouvé. C'est peut-être le dénigrement constant de la femme envers son mari qui s'est répandu aux yeux de tous. On pourrait en nommer plein, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le verset 1, il y a certainement une personne qui va être surpris en faute. Et là, un peu deux manières que le péché soit mis en évidence. La première, bien, c'est que tu as été surpris en flagrant délit. Très clairement, ça ne doit pas être le fun. La deuxième, c'est que tu es allé chercher de l'aide parce que tu sais que tu fais quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'un péché mis en lumière perd de sa force. Se faire prendre la main dans le sac n'est certainement pas agréable, mais que ce soit de cette manière que ça a été mis en lumière, ou que ce soit parce que tu es allé chercher de l'aide auprès d'un conseiller biblique, ou tu en as parlé à un frère ou une sœur, bien dites-vous que c'est le début de la guérison. Dans ma vie, je n'ai pas toujours fait des bons coups, puis celui que je m'apprête à vous parler, il ne vient certainement pas de moi, il vient vraiment du Saint-Esprit, j'en suis convaincu, mais à un moment donné dans ma vie, je voulais m'améliorer dans quelque chose. Rien de majeur, mais je veux toujours m'améliorer. On appelle ça un peu ça, de l'amélioration continue hein, dans mon travail, c'est un peu ça que je fais. Et je veux faire ça avec moi-même. Donc, je ne veux pas rester pris avec quelque chose que ça ne va pas s'améliorer. Donc, je me suis dit, je vais aller me chercher un conseiller biblique. Nous, à l'église à Shawinigan, on a le centre de counseling biblique. Fait que c'est facile, mais c'est ouvert à tous. Hein. D'ailleurs, s'il y a des gens ici à Victoriaville qui pensent avoir besoin d'aide, qui veulent ouvrir la parole pour faire du sens avec votre situation, bien, ils sont là pour ça. Et je les connais tous, les conseillers bibliques, donc je savais très bien qu'il y en avait un là-dedans que je ne voulais pas. Puis quand je vous dis que ça vient du Saint-Esprit, c'est parce que finalement, j'ai été convaincu de prendre cette personne-là comme conseiller biblique. Et pourquoi je ne voulais pas? C'est parce que je suis pasteur avec lui dans l'église. Je le voyais comme mon égal un peu, je fais « Ah! » Lui, il ne se confie pas à moi. Pourquoi moi, je ferais ça? Mais justement, j'avais besoin d'humilité puis d'aller vers lui parce que les autres, c'est peut-être trop facile. Je suis transparent naturellement. J'ai de la facilité à compter mes affaires, mais à lui, je n'étais pas prêt. Puis le Seigneur m'a dit, tu t'en vas vers lui. Et ça a été vraiment la meilleure chose à faire. Mais où est-ce que je veux en venir avec tout ça pour qu'on arrive dans le verset 2? C'est que ça nous pose une question. Ça nous fait réfléchir. Le verset 1, qu'un homme a été pris en faute, et le verset 2, porter les fardeaux les uns des autres. La question, c'est à qui Paul consacre les 5 premiers versets, avertissant de ce qui pourrait leur arriver dans cette situation de découverte et de restauration? Est-ce que Paul s'adresse à celui qui est tombé, ou plutôt il s'adresse à celui qui est sur le point de l'aider à se tenir debout? Vous prendrez le temps dans la semaine de lire ce passage-là, mais chaque verset, sauf un, a un avertissement. C'est comme une lumière jaune hein, qui dit « Attention, attention, mise en garde. » Et le message d'avertissement ne s'adresse pas à celui qui est tombé. Il s'adresse à ceux qui visent à l'aider. Puis, vous savez, ici, il y a eu la série « Les uns les autres ». J'ai l'impression que je suis un des derniers messages en lien avec ça. Mais le message ce matin s'adresse à vous tous qui allez croiser des pécheurs qui ont tombé. Et on veut tenter peut-être de les aider à se relever, on veut les aimer d'une certaine façon, on veut bien agir avec eux parce qu'on a Christ en dedans de nous. Mais le message de ce matin s'adresse à nous tous qui veut aider quelqu'un qui a tombé. Donc, regardons ensemble qu'est-ce que ça veut dire porter les fardeaux. Tout d'abord, le verbe porter, très intéressant ici, c'est pas juste d'avoir un sac à dos sur les épaules. C'est beaucoup plus lourd que ça. Et si on prend, le même verbe a été utilisé juste avant dans Galates 5, 10. Donc, dans mon cas, je n'ai même pas besoin de tourner. Galates 5, 10, Paul il dit, « J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. » Et donc, il s'adresse ici aux chefs juifs qu'on appelle des judaïsants. Ce sont des gens qui se disaient chrétiens, mais qui voulaient garder la loi de Moïse, qui voulaient garder... Il voulait montrer aux gens qu'il fallait qu'ils continuent à respecter la loi. Et donc, il n'y avait plus juste Jésus-Christ, il y avait des choses à faire. Et Paul leur dit, eux, ils vont devoir porter la peine de ce mensonge-là. Alors, c'est très lourd. Vous savez que porter la peine d'un jugement, c'est pour la vie éternelle par la suite. Et certainement, certainement ces gens-là ne viennent pas au ciel avec nous. Et donc, un jugement éternel, c'est lourd. Par contre, nous, dans le verset 2, porter les fardeaux, c'est très positif. C'est juste qu'il faut savoir que ce n'est pas juste une petite affaire facile. Ça va nous demander de l'énergie. D'ailleurs, le verbe « porter » ici en grec a une connotation de persévérance. Donc, ce n'est pas juste ce qu'on appelle un « one-shot deal ». Je vais aller aider mon frère ou ma soeur, il a besoin là, puis j'arrête. Non, non, non. C'est long. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une énorme armoire à déménager, à transporter dans votre maison, puis votre maison est 2 étages, puis vous devez l'amener en haut. Fait que, je regarde ma femme parce que c'est arrivé, cette situation-là. Une énorme armoire, elle était lourde. Okay? Et là, vous demandez à un ami de venir vous aider parce que clairement, vous ne serez pas capable de la monter toute seule. Votre ami s'en vient, puis il fait « Oui, oui, je vais t'aider, pas de problème. » Fait que, on monte l'armoire, puis là, il y a 14 marches. Puis là, rendu à la 8e marche, l'ami fait « Bon, ben, ça va être assez. » Fait qu'écoute, je te souhaite bon succès là-dedans, puis j'ai d'autres choses, il faut que je m'en aille. L'ami s'en va. Qu'est-ce qui arrive pour celui qui traîne l'armoire pris d'un marche? Ben, c'est exactement ça, porter les fardeaux, c'est les porter jusqu'au bout. C'est d'amener l'armoire là où elle va. Donc, porter les fardeaux les uns des autres, c'est prendre le temps avec la personne, s'investir, persévérer jusqu'à la fin. Et ça ne veut pas dire que moi, Patrick, je dois m'occuper d'une personne pour les 25 prochaines années, 24 heures sur 24. Ce n'est pas comme ça. C'est plutôt qu'en tant que frère et sœur, en tant qu'église, communauté, famille, bien, on s'entraide pour aider cette personne-là qui a des lourds fardeaux. Et probablement que je suis la bonne personne pour les premiers jours, les premières années, on ne sait pas. Mais à un moment donné, la responsabilité devient différente et quelqu'un d'autre dans l'Église a des meilleurs dons que moi pour poursuivre le chemin. Mais on est ensemble là-dedans. Mais comprenez bien que c'est la persévérance. Hein? Porter les fardeaux les uns les autres, c'est d'aller jusqu'au bout avec. C'est quoi les fardeaux ici? Bien, dans le sens vraiment biblique ici, le terme grec pour fardeau qui est « baros », pas tant important de savoir ça, mais ça désigne une charge lourde, difficile à soulever et à transporter. Donc, je pense que l'image de l'homme qui transporte une énorme roche à travers les montagnes, ça représente assez bien le type de fardeau. Paul n'explique pas clairement c'était quoi les fardeaux. Hein, j'aimerais ça vous dire, c'est associé à telle chose. Par contre, quand on regarde la lettre, bien, juste le verset 1, on voit que le contexte semble nous dire que c'est un fardeau qui incite un croyant qui pêche à retomber dans ses vieilles habitudes. C'est un chrétien qui vient d'être délivré, mais il y a peut-être la honte associée à son fardeau. Il y a peut-être la culpabilité. Vous savez, une tentation qui est oppressante et persistante, c'est un des fardeaux les plus pesants à supporter. Donc, on a ici des gens, moi-même, où est-ce qu'on a eu des tentations dans la vie, on a eu des péchés, on croyait s'en être libéré, mais c'est un peu un péché récurrent, hein, qui revient sans cesse. Ça, c'est un fardeau très lourd à porter. Et c'est pour ça qu'on a besoin les uns des autres, pas pour se juger, pour s'entraider dans tout ça. Donc, au lieu de nous tenir à l'écart et de critiquer, nous devrions nous empresser auprès d'un frère ou d'une sœur qui sont dans le malheur, de l'aider autant que possible. Puis, être libéré d'un péché ne signifie pas toujours être libre de la tentation, de la culpabilité ou de la honte. Le croyant qui aime vraiment son frère ou sa sœur et qui veut sincèrement le ramener à une marche par l'esprit va continuer de s'occuper de lui, va continuer à le conseiller bibliquement, va continuer à le supporter. C'est un travail de longue haleine. Pas facile la vie chrétienne. On peut venir s'asseoir dans l'église puis écouter le monsieur en avant puis s'en aller, mais c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est s'investir envers les autres. Avec l'énergie que Dieu nous donne, il ne faut pas se brûler avec ça. Mais quand même, on a à s'investir les uns des autres, à être unis dans tout ça. Comment on peut aider un frère ou une sœur qui a de lourds fardeaux? Bien, peut-être que ça va être d'aller passer du temps avec. Mais n'oubliez jamais que la prière, c'est l'arme la plus puissante pour aider quelqu'un qui porte de lourds fardeaux. Rien n'aide autant un frère à porter son fardeau que le fait qu'on prie pour lui et avec lui. Hein, c'est certainement pas cette idée de « Oh, hey, je t'écoute, ça ne doit pas être facile, je vais prier pour toi. » Puis finalement, on ne le fait pas. Non. Il vient de te partager quelque chose. Prenez le temps maintenant. On va prier ensemble maintenant. La main sur l'épaule s'il faut montrer qu'on est avec, ou au téléphone, peu importe. Donc, on le fait vraiment. Parfois, on cherche des manières concrètes pour aider, mais n'oublions jamais que la prière agissante du juste a une grande efficacité. C'est Jacques qui nous dit ça dans sa lettre. Et plus, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais plus je grandis dans ma foi chrétienne, plus je crois au pouvoir de la prière. Plus jeune, on me disait, « Bien, prie, tu vas voir, il va se passer des choses. » Puis je trouvais que ça n'arrivait pas assez vite. Aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux le pouvoir de la prière. Dieu répond toujours. Il ne répond pas ce que je veux, puis des fois, ça vient me déranger, mais il répond toujours. Il répond oui, il répond non, ou il répond attends. On va toujours avoir une réponse de Dieu. C'est Dieu lui-même qui est la source suprême de force. Donc, on parle de porter les fardeaux les uns les autres, mais il ne faut pas oublier qu'en bout de ligne, c'est quand même Dieu qui a le pouvoir sur toute chose. Le psaume 55, 23 nous dit que Dieu ne laissera jamais chanceler le juste. Pierre, dans sa lettre, 1 Pierre 5, 7, nous dit de nous décharger sur lui de tous nos soucis et il va prendre soin de nous. On l'a dit tantôt, Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Mon fardeau est léger comparé à tous les autres fardeaux qui existent. » Par contre, Dieu, dans une incompréhension la plus totale, il lui arrive souvent qu'il va utiliser ses enfants à porter les fardeaux les uns des autres. Donc, certainement que des fois, le Seigneur nous appelle à être un peu plus impliqués dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Il faut être prêt à ça. Porter les fardeaux les uns des autres. Donc, vous remarquez, hein, la première image, il est tout seul. Ça doit être terriblement lourd. Là, c'est encore lourd, mais au moins il y a de l'aide. Donc, les uns des autres. La Bible est remplie de termes les uns les autres. Écoutez, il y a au moins, je dis 40, puis il y en a plus. Là, c'est juste que je suis tombé sur un texte dernièrement qui en avait 40. 40 citations dans la Bible qu'on dit les uns les autres, les uns des autres, les uns envers les autres, les uns avec les autres. Ça revient, ça n'en finit plus. D'ailleurs, la série ici sur les uns les autres, vous en avez vu plusieurs. Écoutez quelques versets pour vous. Hein? Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » 1 Pierre 4, 9, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. » Jacques 5, 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Écoutez, on pourrait continuer comme ça très longtemps, mais on voit que la vie chrétienne, c'est une vie de communauté. C'est une vie qu'on doit être ensemble, peu importe le nombre. La seule chose, c'est qu'une vie chrétienne ne se vit pas seule. Et Paul, dans sa lettre aux Galates, à 9 reprises, il commence un chapitre ou un paragraphe en disant « frère » au pluriel. Donc, « frère et sœur », c'est un terme générique, mais il s'adresse à un groupe, il s'adresse à des églises, il s'adresse à une communauté. Et la vie chrétienne ne signifie pas de vivre isolé des autres chrétiens. Nous sommes intimement liés les uns les autres, au même titre que nous sommes liés au Seigneur Jésus-Christ. Paul nous rappelle dans Éphésiens 4, 4, nous sommes tous les membres du même corps, et Christ est la tête. Donc, on est ensemble là-dedans. Écoutez, l'expérience nous le prouve. Un chrétien qui ne va pas à l'église ou qui ne s'entoure pas de ses frères et de ses sœurs, c'est un chrétien en danger. Vous l'avez vécu peut-être, vous avez des gens autour de vous qui le vivent actuellement. Ces gens-là qui tentent de vivre leur vie chrétienne isolés chez eux, bien, au début, on voit souvent qu'ils font des efforts pour essayer de faire quelque chose. Peut-être qu'ils écoutent sur Internet des messages, peut-être qu'ils lisent leur Bible même. Mais tranquillement, pas vite, le feu s'éteint. Et après ça, il est très difficile pour ces gens de revenir. Est-ce que c'est l'orgueil qui fait ça? Est-ce qu'il était vraiment chrétien? Tout ça va se départager, rendu au ciel. Mais une chose est sûre, ne tombons pas dans cette facilité de vivre notre vie chrétienne seule. Comment voulez-vous porter les fardeaux les uns des autres lorsque vous êtes seul? Vous allez être seul avec vos fardeaux et vous ne pourrez même pas aider les autres parce que vous êtes seul. Donc, allons pas vers cette direction-là. Et les péchés de chacun n'affectent pas seulement la personne qui les commet, ça l'affecte la famille spirituelle entière. Et c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit, c'est quoi notre degré d'amour quand on a des gens qui pêchent autour de nous? Parce que c'est bien plus facile de rester chez nous, il y a juste mes péchés à moi, peut-être ceux de ma femme et mes enfants, c'est facile à gérer. Mais quand on est en communauté comme ça, il y a beaucoup plus de péchés, dont certains qui vont venir nous graffiner plus que d'autres. Comment je vais aimer ces gens-là, ces chrétiens-là même? J'aime l'image qu'une église, comme l'église de Victoriaville, on est comme une bergerie. Puis on est tous les moutons à l'intérieur de la bergerie, on a tous le même berger qui est Jésus. On a des sous-bergers qui sont les pasteurs de l'église. Et si un mouton s'écarte du droit chemin, bien, il peut malheureusement en influencer d'autres. Comme on peut voir ici, clairement, il y a un mouton qui s'est écarté de sa prairie, sa bergerie habituelle. La seule chose que je vois dans cette image qui est positive, c'est qu'ils ont décidé de prendre le passage piétonnier pour traverser la rue. Ça semble être très positif ce bout-là, mais clairement, ils ne sont pas dans le droit chemin. Ils n'ont pas rapport là. Alors, il y a un mouton, si vous avez déjà vu des vidéos, c'est bien souvent les premiers en avant. Il y en a un qui a décidé de virer à droite et tout le monde, tous les moutons virent à droite. Écoutez, si on prend cette image-là pour notre Église ici, notre troupeau, lorsqu'il est ancré dans la parole de Dieu, eh bien, c'est le troupeau qui influence la brebis errante et non pas le contraire. Donc, il faut rester attaché à la parole de Dieu et la personne qui va peut-être s'égarer le temps d'un instant, bien, on est là pour la ramener, la redresser, la restaurer, l'aimer, porter ses fardeaux. On est là pour l'accompagner dans sa chute ou dans son errance. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Cette semaine, je me suis dit, hein, la loi de Christ, ça sonne différemment de la liberté en Christ. C'est pourtant la même chose, mais quand même, ça m'a fait réfléchir cette semaine. On voit que dans cette lettre-là, aux Galates, Paul fait ressortir le contraste entre la loi de Moïse et la loi de Christ. Selon la tradition juive, la loi de Moïse a 613 prescriptions. Sur les 613, il y en a 365 que ça commence par « tu ne feras pas ceci » ou « tu ne feras pas cela ». Et il y en a 248 que c'est « tu feras ceci » ou « tu feras cela ». La loi de Moïse a été donnée par Dieu à cause de la désobéissance qui régnait. Mais pendant ce temps-là, Dieu préparait le monde à l'arrivée du Messie. Mais jusqu'à Jésus-Christ, les gens suivaient la loi de Moïse. Ils tentaient de suivre. La loi était là pour prouver à tout le monde que personne n'était capable de la suivre parfaitement. Ces gens-là avaient besoin de se repentir. Ils avaient besoin, même si Jésus n'était pas là, ils avaient besoin de mettre leur confiance en Dieu, de revenir constamment vers le Seigneur. Et lorsque Jésus est arrivé, Jésus dit dans Matthieu 5, 17, 18, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc, Jésus est arrivé, mais il dit, « Non, non, je ne suis pas en train de détruire la loi, je suis en train de l'accomplir. » C'est intéressant ce petit bout-là. Par contre, comme chrétien, on sait qu'on a la liberté en Christ. Lorsque le Saint-Esprit s'est révélé à nous et qu'on est chrétien, on a la liberté en Christ. On n'a plus à suivre une loi. Alors pourquoi Jésus ou Paul ici nous dit qu'il y a la loi de Christ? C'est quoi la loi de Christ? Paul ne l'explique pas clairement dans son texte. Mais encore là, à force de connaître les Écritures, il y a des passages qui nous reviennent peut-être un peu plus. Donc, ça peut être deux choses, la loi de Christ. Soit que c'est l'enseignement général que Jésus a fait pendant son passage sur terre, ce qui aurait beaucoup de sens si c'est ça, ou soit que c'est lorsque Jésus dit, « Vous avez vu tous les commandements? » On les résume, je vous les résume en deux seuls commandements. Le premier, « Aime Dieu de tout ton cœur. » Le deuxième, « Aime ton prochain comme toi-même. » Dans les deux cas, ça ferait du sens que la loi de Christ, ce soit ça. Lorsque je regarde la lettre aux Galates, Paul, il dit dans le chapitre 5, verset 14, je lis ici, il dit « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, ça ferait beaucoup de sens que la loi de Christ soit en lien avec l'amour du prochain. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi de Moïse avait sa raison d'être. Elle permettait d'une certaine façon à limiter le péché ou le mal causé par les péchés. Il était impossible de respecter parfaitement la loi de Moïse, mais elle permettait de mettre des bases solides pour comprendre la justice de Dieu entre ce qui est bien et ce qui est mal. Par contre, dans tous les cas avant l'arrivée du Seigneur Jésus, c'est la personne qui mettait sa confiance en Dieu et qui se repentait du tort causé qui avait la justice éternelle et l'assurance d'aller au paradis. Ce message-là était valide avant 2000 ans, c'était encore valide quand Jésus est arrivé, et aujourd'hui, en 2022, c'est tout à fait d'actualité. Si vous voulez une vie meilleure, parfaite, vous voulez aller au paradis avec Dieu, vous n'avez pas quelque chose à faire, peut-être à part demander à Dieu qu'il se révèle à vous. C'est la première étape. Si ça n'a pas été fait encore, vous êtes peut-être visiteur ce matin, tantôt Daniel le disait aussi, prenez le temps aujourd'hui de prier le Seigneur et dire « Révèle-toi à moi ». Peut-être que vous ne croyez même pas à Dieu présentement, demandez-lui quand même de se révéler à vous. Hier, on se partageait nos témoignages dans un souper, puis une personne, c'est exactement ce qu'elle a dit, « Je ne croyais même pas en Dieu, puis le pasteur, il m'a dit de prier Dieu. » J'ai dit, comment je peux prier quelqu'un que je ne crois pas? Je vais le faire pareil, elle est chrétienne aujourd'hui. Donc, vous voyez, Dieu peut faire une œuvre miraculeuse dans votre vie. Faites-lui confiance et priez-le. Ah, qui peut accomplir la loi de Christ? Bien, justement, premièrement, la loi de Christ nous apprend, si on dit que c'est l'enseignement général de Jésus, ça nous apprend que nous ne pouvons rien faire pour être justifiés. La justification est par la foi seule, en Jésus-Christ seul. Et nous devons obéir à Dieu, même si notre obéissance est effective que par l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, si la loi de Christ, on croit plus que c'est d'aimer son prochain, bien, ça nous apprend qu'on ne peut pas l'accomplir par nous-mêmes. J'ai beau essayer de vous aimer tous avec un réservoir plein, toujours plus facile quand on ne se connaît pas beaucoup, mais il s'agit de quelques mois, hein. On apprend à connaître les bébites de chacun. Oups, le réservoir d'amour diminue un peu. Donc, par moi-même, je ne suis pas capable. On n'est pas capable de s'aimer parfaitement. Mais, grâce à Jésus-Christ qui vit en nous, on peut le faire. Donc, la loi de Christ nous apprend ceci. Et donc, qui peut accomplir la loi de Christ? Bien, ce sont les croyants, par la puissance du Saint-Esprit, poussés par l'amour pour Christ. Conclusion. Il faut marquer l'image, hein? Toutes des pions. Aimez-vous les échecs? Pas avoir des échecs, mais jouer aux échecs. Il y en a un qui s'est pensé meilleur que les autres ici, là. Il s'est mis une couronne. Ce n'est pas la reine ou le roi, c'est là. C'est un pion qui s'est mis une couronne. Et une des raisons principales pour lesquelles bien des chrétiens ne se soucient pas d'en aider d'autres, c'est qu'ils se sentent supérieurs à ceux qui pêchent. Ils croient erronément qu'ils sont quelque chose alors qu'ils ne sont rien. Le verset 3 qui nous dit ça. Qui n'a jamais dit à quelqu'un, je vais le dire autrement, qui n'a jamais pensé, puis qui s'est dit dans sa tête, Gabin, là, il s'est mis lui-même dans le pétrin, qui s'arrange? Qui n'a jamais pensé ça ici? Pourtant, Dieu a en horreur la prétention. Hein, dans Proverbe 6, ça c'est vraiment intéressant, je n'ai pas le temps de tourner, mais il dit, il y a 7 choses que Dieu en horreur. Tu sais, il y a 6 choses que Dieu en horreur, même 7. Et la première chose, les yeux hautains. Les yeux hautains. Dieu a ça en horreur. Et pourtant, on a la facilité de faire ça, hein, de se comparer les uns les autres. Essayer toujours de se remonter à un petit niveau, un niveau supérieur. Mais vous savez, Christ a payé une fois pour toutes pour tous ceux qui croient en lui. C'est bon pour moi. Qui vont encore pécher demain, malheureusement. Et c'est bon pour la personne qui est assise à ma droite et à ma gauche. Ce chrétien qui est assis à ma droite ou à ma gauche, Christ a payé pour lui aussi. Le verset 1 nous disait qu'un péché était mis en lumière, hein, qu'une personne pourrait être surprise en faute. comment, en tant que frère et sœur dans le Seigneur, je vais réagir? Verset 1 nous le dit, « Ayez un esprit de douceur, pas un esprit de jugement. Soyez doux envers cette personne-là, car vous aussi, vous allez pécher, si ce n'est pas déjà fait. Vous aussi, il va vous arriver d'avoir des fardeaux plus lourds que les autres. » Et donc, on doit être là pour cette personne-là, car si je suis là pour lui, bien, je fais ce que Christ a fait pour moi. Il a pris mon fardeau par amour pour nous. Donc, quand je prends les fardeaux de mon frère et ma sœur, quand je l'aide à porter son fardeau, je l'aime. Je suis en train de l'aimer. Et le titre du message ce matin, « Parce que Jésus m'aime et Jésus l'aime, je l'aimerai aussi. » C'est Christ qui vit en nous. Donc, lorsqu'on a des gens autour de nous qui ont de lourds fardeaux, des fardeaux qui peuvent être des péchés, on doit être là pour eux et les supporter. Peut-être les redresser par la parole de Dieu, mais avec amour et douceur. Une petite application pour terminer. La bataille contre notre propre fierté que Paul parle ici, c'est en fait une bataille pour la joie. Laissez-moi m'expliquer, c'est la joie en Christ. Vous allez remarquer que lorsque vous vous entraidez les uns les autres, il y a une certaine joie qui apparaît. C'est une joie qui provient du Seigneur Jésus. Lorsqu'on laisse les gens mourir, trébucher, glisser, il n'y a pas de joie là-dedans. Qu'est-ce qui va préserver l'unité de l'Église de Victoriaville malgré l'influence du péché dans notre vie? Mais c'est le fait de porter les fardeaux les uns les autres. On a le choix, hein? Ou bien on laisse notre frère ou notre sœur patauger dans son problème. Tu sais, au Québec, là, on dit souvent « vivre et laisser vivre hein? ». Ou on dit souvent « ah, si c'est bon pour lui, tant mieux ». On peut faire ça, mais je ne pense pas que c'est ce que Jésus ferait s'il était là. Ou bien, on redresse par la parole de Dieu, on restaure ce frère ou cette sœur avec un esprit de douceur en se rappelant que nous aussi, nous luttons contre quelque chose. Mais si Christ a payé pour moi, il a payé aussi pour elle ou pour lui. Si un frère ou une sœur chrétien est accablé ou menacé par un fardeau ou une menace, soyons attentifs. Faisons rapidement quelque chose pour l'aider. Ne faisons pas comme si de rien n'était ou « ah non, je ne l'ai pas vu parce que si je l'aide, ça va me demander beaucoup de mon temps, de mon énergie. » Non, non, non. Allons l'aider peut-être par la prière. Mais faisons pas comme les pharisiens. Qu'est-ce qu'ils faisaient les pharisiens dans le temps de Jésus? C'est Jésus qui dit ça dans Matthieu 23. Il dit, les pharisiens, les chefs spirituels juifs, ils mettaient des fardeaux extrêmement lourds à porter pour les gens. Puis eux, ils n'osaient même pas essayer de les aider à transporter ce fardeau-là. Ils les laissaient gérer leur fardeau. Ça créait énormément de problèmes. Ne faisons pas ça. N'alourdissons pas les charges. Rendons-la plus légère pour les gens. Puis certains d'entre nous, actuellement, se demandent peut-être comment vivre ma vie chrétienne puis qu'elle ait un sens. Bien, voici un exemple concret. Développez l'extraordinaire habileté à détecter les fardeaux des autres et consacrons-nous quotidiennement à les alléger. Que notre amour pour Jésus se voit dans nos pensées et nos actions tout au long de la semaine. Puis rappelez-vous, j'aime vous dire que je vous aime, mais rappelez-vous que Dieu vous aime. Et parce qu'on a été aimé, aimons les autres aussi. Amen. Je vais prier pour terminer. Seigneur Dieu, il y avait beaucoup de viande dans ce passage, beaucoup de choses qui sont peut-être difficiles à digérer pour nous ce matin. Mais fais une œuvre en nous, Seigneur, continuelle. Rappelle-nous comment on peut porter les fardeaux les uns des autres. Rappelle-nous que tu as porté nos fardeaux. Rappelle-nous que tu nous libères de nos péchés. Seigneur, on est entouré de gens qui luttent dans la vie, que ce soit des péchés, que ce soit des situations difficiles dans leur couple, dans leur famille, au travail, à l'école. Aide-nous, Seigneur, à passer du temps avec ces gens, avec ces chrétiens. Montre-nous comment on peut être là adéquatement pour eux. Et surtout, Seigneur Dieu, aide-nous à ne pas les juger. Moi, le premier ici en avant, Seigneur, je suis loin d'être parfait à ce niveau-là, puis je te demande, je t'en supplie, de m'amener à aimer ces gens-là comme toi tu m'aimes et comme toi tu les aimes. Qu'on puisse tous faire ça cette semaine et qu'on revienne dimanche prochain, qu'on ait fait un pas de plus dans notre foi pour toi. Merci pour Jésus, qui est la raison pour laquelle on est ici. Et gloire à toi, Seigneur, utilise nos vies pour te glorifier. Amen.